Je veux refaire ma vie sur une comète. Un rêve un peu fou de mal honnête. Je me laisse aller à divaguer. J'aspire simplement à te quitter. Je veux réinventer une planète où tout seul au monde je te ferai. Je me sens moins bête, même plus l'envie de te faire la tête. Je bouffais tes sourires à m'éclater. Tu m'abreuves aux larmes du passé. On tire trop de plans sur les comètes. Je décide à présent de faire place nette. Chérie, on s'était dit oui pour toute la vie. On s'est menti. Je te jetterai des cailloux. Je veux mettre un monde entre nous. Entre nous. T'as vraiment tout fait pour que ça s'arrête. Je te laisse la table et même les miettes. Unis sous le régime de la communauté, on n'a vraiment plus rien à partager. On tire trop de plans sur les comètes. Et il y a de ces choses que l'on regrette. Chérie, on s'était dit oui pour toute la vie. On s'est menti. Je te jetterai des cailloux. Je veux mettre un monde entre nous. Je ne tiendrai pas le coup. S'il n'y a plus rien entre nous. Alors tant pis.